السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كما كنا سجل دي الشيخ الفوزان حفظه الله نصنع سبكاسون دو نواقض الإسلام يجي والردة هي الرجوع، فالمرتد هو الذي يرجع عن دينه إما بقول أو باعتقاد أو بفعل أو بشك. يجي كالردة لابستازي سفد غفنيان سفد غفنيان عيار. Et l'apostat, c'est celui qui revient, qui rejette sa religion, qui apostatise sa religion, apostatise la religion, soit par une parole, soit par une croyance, soit par une action, ou soit par un doute. Ensuite, le cheikh va expliquer ça. Et هذه أصول أنواع الردة القول والاعتقاد والفعل والشك ينشأ عن هذه الأصول أنواع كثيرة من نواقض الإسلام وبعض الجهال أو المغرضين يستنكرون الكلام في بيان أسباب الردة عن الإسلام ويصفون من يتكلم في ذلك بأنه تكفيري ويحذرون منه. Il a dit que ceci est les bases et les fondements de l'apostasie, la parole, la croyance, l'action et le doute. Et ensuite, à partir de ces fondements-là, plusieurs types d'annulatifs parmi les annulatifs de l'islam prennent leur source. Il a dit que certains parmi les ignorants ou parmi les gens qui ont des intérêts ou des tendances, il y a des gens qui ont des mauvaises intentions, ils disent et ils blâment ceux qui parlent sur l'explication des causes de l'apostasie. Ils blâment ceux qui parlent des causes qui font que les gens les apostasient de l'islam et il les qualifie comme étant des takfiris. Ils disent que les gens qui expliquent ça, les gens qui expliquent les causes de l'apostasie, qui sont les takfiris, ils mettent en garde contre eux. Ce qui veut dire le cheikh, c'est que ça, c'est pas correct. C'est pas le fait d'expliquer les causes de l'apostasie, ça fait pas d'une personne un takfiri. Il a dit وَالرِّدَّةُ بِالْقَوْلِ فَالرِّدَّةُ بِالْقَوْلِ كَانْ يَتَكَلَّمَ بِاللَّفْظِ الْكُفْرِ والشرك غير مكرهين سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا فإذا تكلم بكلام الكفر فإنه يحكم عليه بالردة إلا إذا كان مكروها أو مكرها كما قال تعالى لقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. Il a dit que premièrement l'apostasie par la parole, c'est le fait que la personne parle d'une parole de mécréance ou une parole de polythéisme en n'étant pas forcé, peu importe que la personne soit sérieuse ou pas, ou qu'elle soit en train de plaisanter. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre le fait qu'elle parle de façon sérieuse ou pas, ou entre le fait qu'elle soit en train de plaisanter ou pas. Lorsque la personne a dit une parole de mécréance, eh bien, on jugera de sa mécréance. Sauf si elle est contrainte et qu'elle est forcée. Bien sûr, ce n'est pas n'importe qui juge ça. Ça, ce sont les juges musulmans ou les savants qui jugent ça. Il a dit la preuve, c'est la parole d'Allah Azzawajal dans le Coran. Il a dit « وَلَقَدْ قَالُوا كَلَمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ » Il a dit qu'ils ont certes dit la parole de mécréance et mécru après avoir été musulman. Et mécru après avoir été musulman. Il a dit « قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الَّذِينَ قَالُوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبنا عند اللقاء يعنون الرسول أو يعنون رسول الله وأصحابه ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا جئنا لا يجي عز وجل par rapport aux hypocrites qu'ils ont dit on n'a jamais vu des personnes comme nos récitateurs du Coran là, qui sont aussi menteurs par rapport à ce qu'ils disent. Il y en a qui mentent autant que cela, et qui ont de aussi gros ventres, et qui sont aussi lâches lors de la rencontre avec les ennemis, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Après, il a révélé le verset Azzawajal. Si jamais je leur demande, ils diront certes, nous n'étions que en train de discuter et de jouer. إلي قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون جي est-ce dans l'ordre de ses versets et de son messager que vous raillez? Ne demandez pas pardon, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Il a dit فهم كفروا بعد إيمانهم بسبب أنهم قالوا ما رأينا مثلك رأينا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجنبنا وأجبنا عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما علموا أن الله أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما قالتهم جاءوا يعتذرون وينقولون إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. Il a dit qu'ils ont certes cru après avoir eu la foi, suite au fait qu'ils ont dit cette parole-là. On n'a jamais vu des personnes comme nos récitateurs du Coran, ceux-là, qu'ils ont un aussi gros ventre et qui sont aussi, qui montent plus que ceux-là et qui sont aussi lâches lors de leur rencontre avec les ennemis pendant la guerre. En voulant parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et lorsqu'ils ont su qu'Allah Azzawajal il a révélé ça au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus, et que leur parole a été révélée au prophète, ils sont venus demander pardon. Et ils ont dit, certes, nous ne faisons que discuter et nous amuser, et à nous divertir. Nous discutions, ni la façon dont une personne discute pendant le voyage, pour enlever la fatigue du voyage. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم ولا يزيد عن أن يتلو هذه الآية قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم quand ils sont venus il ne s'est pas retourné vers eux, il n'a rien fait d'autre que de réciter le verset dit est-ce dans l'ordre de ce verset et de son messager que vous vous raillez? Ne demandez pas pardon, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. فدل أن الذي يتلفظ بكلام الكفر غير مكره فإنه يكفر ولو زعم أنه يمزح ويلعب. وفي هذا رد على مرجئة العصر الذين يقولون لا يرتد من قال كلام الكفر حتى يعتقد بقلبه ما قاله بلسانه. Il a dit que ça, c'est une preuve que celui qui prononce une parole de mécréance et qui n'est pas contraint, qui n'est pas forcé, il mécroit, même s'il prétend qu'il rigole et qu'il se divertit ou qu'il joue. Et il a dit qu'il y a dans cela aussi une réplique aux Mourji'a de cette époque qui disent que la personne, elle ne sort pas de l'islam, elle n'est pas apostasie, ou plutôt elle n'apostasie pas, jusqu'à ce qu'elle ait dans sa croyance ou dans son cœur ce qu'elle a dit avec sa langue. C'est-à-dire qu'ils prétendent que celui qui dit une parole de kufr, il ne mécroit pas jusqu'à ce qu'il croit dans son cœur à ce qu'il a dit avec sa langue. Et ça, c'est pas correct. Le shir a dit ça, c'est une réplique, un rod sur eux. كذلك الذي يدعو غير الله يستغيث بغير الله فيقول لأحد الأموات يا فلان أغثني يا فلان أنقذني وينادي الموتى والمكبورين أو ينادي الشياطين والجن أو ينادي الغائبين ويستنجد بهم فإذا دعا غير الله واستغاث بغير الله من الأموات والغائبين فإنه يكفر بذلك. Il a dit que de même que celui qui invoque autre qu'Allah et qui lui demande secours à autre qu'Allah et qui dit à une personne parmi les morts qui sont décédés, ô Foulan, secours-moi, ô Foulan, sauve-moi, et qui appelle les morts, ceux qui sont enterrés, ou qui appelle les djinns et les shayatins, ou qui appelle les gens qui sont absents, qui ne sont pas présents, et qui leur demande le secours. Il a dit que lorsqu'il invoque autre qu'Allah et qu'il demande à autre qu'Allah le secours, parmi les morts et ceux qui sont absents, eh bien, il mécroira par cette action-là. فَمَنْ تَلَفَّظَ بِالْكُفْرِ كَفَرَ إِلَّا يَكُنَ مُكْرَهًا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Il a dit que celui qui prononce une parole de mécréance, il mécroira, sauf s'il est contraint et qu'il est forcé. Comme c'est dans le verset, selon la traduction rapprochée du verset, quiconque a renié Allah après avoir mécru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité et de la foi, Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Il en est ainsi car ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Et Allah vraiment ne guide pas les gens mécréants. Il a dit, وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. Dans le verset, il a dit que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même et c'est Allah et c'est à Allah le retour. Il a dit فهذا المكره إذا تلفظ الإنسان بكلمة الكفر وأجبر بأن يتلفظ بها أو يقتل أو يقتل أو يعذب فلا بأس بأن يقول ما يتخلص به من الإكراه مع اطمئنان قلبه بالإيمان. Ça c'est le cas de celui qui est contraint, qui est forcé. Donc, lorsque la personne prononce une parole de mécréance et qu'elle est forcée de prononcer cette parole-là, ou sinon elle sera tuée, ou sinon elle sera châtiée, il n'y a pas de mal qu'elle dise ce qui fera qu'elle pourra se débarrasser d'eux. Avec le fait qu'elle a la sérénité dans son cœur, de la foi. C'est-à-dire que son cœur est rempli de la foi. Et ça, c'est arrivé, ce qu'on dit, ce verset-là a été révélé par rapport à Ammar ibn Yasir, qui a été torturé et châtié, lui et ses parents. Et ses parents, ils sont morts, son père et sa mère, et lui, il a été torturé. Et il a été forcé d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, du coup, il a insulté pour se débarrasser de eux. Et après, il est parti en pleurant, en regrettant ce qu'il a fait. Et le cheikh va expliquer ça après. Il a dit, وَقَدْ رَخَّصَ اللَّهُ فِي أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ تَخَلُّصًا مِنَ الْإِكْرَاهِ وَقَلْبُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَإِنَّمَا يَتَلَفَّظُ بِاللِّسَانِ فَقَطْ أما القلب فلا أحد يستطيع أن يتصرف فيه إلا الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Il a dit qu'Allah a rendu permis le fait de prononcer la parole de mécréance pour se débarrasser de la torture, tout en sachant que le cœur il est rempli par la sérénité de la foi, de l'Iman. Il a dit qu'il prononça seulement avec sa langue, mais son cœur, personne ne peut prendre le dessus sur son cœur, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a dit dans le verset, « Illa man ukriha wa qalbu mutma'in bil iman. » C'est pour ça qu'il a dit que, « Sauf celui qui est forcé, alors que son cœur est rempli de sérénité et de la foi. » Le cheikh a dit, « Nazat hadhihi al-aya fi Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu. Kana al-mushrikuna yu'adhibunahu yakrahunahu ala yasub al-rasul sallallahu alayhi wa sallam. » فتلفظ بكلام فيه مسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يريد التخلص من الكفار ولم يكن في قلبه بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كراهية لدين الإسلام بل هو مطمئن بالإيمان فلما قال مقالته جاء نادما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ما وقع فقال كيف تجد قلبك قال أجده مطمئنا بالإيمان قال فإن عد فعد. Et le cheikh a dit que ce verset-là a été révélé à propos de Ammar ibn Yasir, le compagnon, radiyallahu anhu, parce que les mouchikines, les politistes de Mecca, ils le torturaient et le forçaient à insulter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a prononcé une parole dans laquelle il y a une insulte envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour se débarrasser des mécréants. Et dans son cœur, il n'y avait pas de dégoût pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait pas non plus de dégoût pour l'islam, ni de haine pour l'islam. Mais plutôt, il avait la sérénité de la foi dans son cœur. Et lorsqu'il a dit cette parole-là, il est parti chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en regrettant ce qu'il a fait, et en pleurant. Et il lui a dit ce qui s'est passé. Le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait ajidu kalbaka? Comment est-ce que tu trouves ton cœur? Il a dit, ajidu mutma'innan bil iman. Je le trouve rempli de la sérénité de la foi. Il a dit, fa'in adu fa'oud. Si jamais on commence à te torturer, recommence pareil. Donc ça, c'est permis, comme dit le cheikh, dans le cas où la personne elle est forcée, où elle est contrainte et qu'elle n'a pas le choix, et qu'elle est torturée pour se débarrasser des koufars, elle dit une parole seulement avec sa langue et pas avec son cœur. Ensuite, il a dit, wal kufru bil i'tiqad, wa ya'taqid al-insanu bi qalbihi ma yunaqidu l'islam. كأن يعتقد أن صلاة غير واجبة ليس لها قيمة وإنما هي من باب المجاراة مثل ما عليه المنافقون، فيأتي بالأعمال في الظاهر ولكنه من قلبه لا يؤمن بها وإنما يتظاهر بها ويتكلم بالشهادتين وقلبه كافر. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة أي سترة يتسترون بها فصدوا عن سبيل الله. قال تعالى: ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Il a dit que deuxièmement, la mécréance par la croyance, le fait de croire une chose qui constitue de la mécréance. Il a dit, c'est le fait que la personne, elle ait une croyance dans son cœur qui contredit l'islam. Comme le fait qu'une personne ait la croyance que la prière, la salat, n'est pas obligatoire et qu'elle n'a pas d'importance et que c'est juste, il y a une hyper-acceptation et par habitude. Et par acceptation de ce que font les musulmans. Il y a ni faire comme les musulmans dans ce qui est apparent. Il a dit comme c'est le cas des hypocrites qui font les actes de façon apparente, mais dans son cœur, ils n'y croient pas. Et ils font ça juste de façon apparente. Et ils prononcent les deux attestations de foi, shahadatain, alors que dans son cœur, il est mécréant. Là, il a dit dans le verset. Lorsque les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es le messager d'Allah. Et Allah sait certes que tu es son messager, et Allah atteste que les munafiquins, les hypocrites, sont des menteurs. Ils ont pris leur serment comme bouclier. C'est-à-dire qu'ils ont pris ça comme un voile derrière lequel ils se cachent. Ils ont obstrué le sentier d'Allah, c'est-à-dire qu'ils ont bloquer les gens et empêcher les gens de faire le djihad, fisabilillah, de ne pas les tuer parce qu'ils se cachent derrière leur shahada. Donc Allah Ta'ala, yakoulun bi al-sinatihim ma laysa fi qulubihim. Allah il a dit aussi à Azawajal qu'ils disent avec leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. C'est-à-dire qu'ils disent une parole qui contredit ce qu'il y a dans leur cœur. Fa'ida taqada bi qalbihi al-kufra sara kafiran wa law lam yaf'al aw yatakallam. ولو كان بظاهره يفعل الأعمال الطيبة من صلاة وجهاد وصدقة أو يقول الكلام الطيب بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لكنه بقلبه يكذب بذلك فهذا كافر وهذا دين المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا مع كونهم يصلون ويصومون ويجاهدون لكن لما كانوا بقلوبهم كافرين صاروا في الدرك الأسفل من النار لأنهم لا يعتقدون بقلوبهم ما تنطق به ألسنتهم أو ما تفعله جوارحهم من الأعمال المشروعة. Ensuite, le cheikh a dit que si la personne a dans son cœur la mécréance, eh bien, elle sera comptée comme mécréant même si elle ne met pas en pratique ou si elle ne parle pas. Et même si elle fait de façon apparente les actions, les bonnes actions, comme la prière, le djihad et la sadaqa. Ou même si elle prononce des paroles correctes et de bonnes paroles, comme le fait qu'elle dise « Ashhadu an la ilaha illallah, anna Muhammadan Rasulullah » qu'elle atteste qu'il n'est divisé et digne d'être adoré sauf Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Mais si avec son cœur il contredit ça et il ne croit pas en cela, eh bien il sera mécréant. Et ça c'est la religion des hypocrites qui sont dans le plus bas degré de l'enfer. Malgré le fait qu'ils prient, qu'ils jeûnent et qu'ils font le djihad, mais comme ils sont mécréants dans leur cœur, eh bien, ils ont été au plus bas degré de l'enfer, au plus bas degré de l'enfer. Parce qu'ils ne croient pas avec leur cœur à ce que leur langue prononce ou ce qu'ils font avec leurs membres de leur cœur, avec les membres de leur corps, parmi les actions qui sont légiférées. Ensuite, le cheikh a dit « والكفر بالفعل كان يذبح لغير الله فإذا ذبح لغير الله خرج عن دين الإسلام مرتدا لأنه عبد غير الله لأن الذبح عبادة فإذا ذبح لشيء يعظمه كالصنم والقبر وغير ذلك من المعبودات لمعبودات المشركين ولو لم يتكلم بل إذا ذبح للصنم أو سجل للصنم أو القبر الذي هو من أوثان المشركين اليوم فإذا ذبح أو سجل للقبور صار مشركا ولو كان يصلي ويصوم ويحج ويقرأ القرآن فإنه نقض دينه بهذا الفعل الشركي بهذا الفعل الشركي ولا يعد بالله. Et il dit que la mécréance par l'action, c'est le fait, comme par exemple d'égorger pour autre qu'Allah, le fait d'égorger pour autre qu'Allah, de sacrifier pour autre qu'Allah. Il a dit que lorsque la personne a fait cela et qu'elle sacrifie pour autre qu'Allah, elle sortira d'Islam et elle sera apostat, elle aura apostasié, parce qu'elle a adoré autre qu'Allah. Et c'est connu que le fait d'égorger, de sacrifier, c'est une adoration. Donc si la personne elle égorge pour autre qu'Allah, en immensifiant que ce soit une idole ou une tombe ou autre parmi les idoles des mouchikines, et même si elle ne prononce pas la parole de mécréance, dans ce cas-là, si elle égorge pour cette idole-là ou se prosterne pour cette idole-là ou cette tombe-là, eh bien, elle aura mécru. Elle sera mouchikan, elle sera polythéiste plutôt. Même si elle prie et qu'elle jeûne et qu'elle fait le hajj et qu'elle récite le Coran, parce qu'il a contredit l'islam en faisant cette action-là de mécréance, et qu'Allah nous en préserve. Le dernier type de mécréance, le kufr bishak, la mécréance par le doute. Fashakku huwa taraddud, faida shakka fi kalbihi hal ma ja'a bihi rasulu sallallahu alayhi wa sallam sahihun ou ghayru sahih, hal hunaka ba'ithun ou la, hal hunaka jannatun wa narun ou la. فهذا يكفر بشكه ولو كان يصلي ويصوم ويعمل ما يعمل فإذا لم يكن جازما بالإيمان كان لديه شك متردد بصحة ما جاءت به الرسل ويقول يمكن أن يكون هذا صحيحا أو ليس بصحيح فهذا يكون مرتدا عن الإسلام لو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من غير اعتقاد لمعناها لكن نحن ما لنا إلا الظواهر أما ما في القلوب من اليقين والشك ومن الإيمان والكفر فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. Il a dit que la dernière chose c'est la mécréance par le doute, et le doute c'est d'être hésitant entre deux choses. Si la personne elle hésite, elle doute dans son cœur, est-ce que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené c'est vrai ou pas, ou est-ce qu'il y a une résurrection ou pas, ou est-ce qu'il y a le paradis et l'enfer ou pas, et bien cette personne-là, elle mécroira par son doute, même si elle prie, qu'elle jeûne et qu'elle fait ce qu'elle fait comme action. Si jamais elle n'est pas sûre dans sa foi et qu'elle a un doute et qu'elle hésite de la réalité et de la véracité de ce que les prophètes ils ont ramené. Et il dit, c'est possible que ce soit correct, que ce soit vrai, c'est possible que ce ne soit pas vrai. Et que cette personne-là, elle sera apostasie, elle aura apostasie de l'islam, même si elle atteste que la ilaha illallah et que Muhammad le Rasulullah, sans y croire réellement. Il a dit, mais malgré ça, nous, on ne peut pas se baser que sur ce qui est apparent. Après, ce qui est dans les cœurs, comme le doute et la certitude, et la foi, et la foi, et la croix, et la mécréance, ça, il n'y a que Allah Azza wa Jalla qui le sait. On ne peut pas savoir ça. Il dit, vahadi usul al-ridda, al-qawl al-kufri, al-shakki, n'ayr ikrah, أو اعتقاد الكفر والشركي أو فعل الكفر والشركي أو الشك أو الشك في الدين وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Il dit que ça, ce sont les bases de l'apostasie. Le fait de prononcer une parole de mécréance ou de polythéisme sans être forcé, le fait de croire une croyance mécréante ou polythéiste, le fait de faire un acte de mécréance ou de polythéisme, et le fait de douter de la religion ou de ceux que le prophète il a ramené sallallahu alayhi wa sallam. فهذه أمور يجب على المسلمين عموما ولطلبة العلم خصوصا يعتنوا بها لكثرة الفتنة لكثرة الفتن والشرور في هذه الأيام ولكثرة الشبهات ودعاة السوء والضلال فعلى المسلم أن يهتم بهذا الأمر لئلا يخرج من دينه بشيء منها. Ainsi, ces choses-là sont très importantes pour les musulmans et surtout pour les étudiants en sciences. Et ils doivent s'y intéresser suite au nombre important de fitna, de troubles et de problèmes dans cette période-là. Et suite au nombre important des shubuhat, des ambiguïtés et des du'at sous des prédicateurs de l'égarement. Donc il a dit qu'il incombe aux musulmans de s'intéresser à cela, de sorte à ce qu'ils ne sortent pas de leur religion